أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه من القاهر من الوحي تدعو لكريتور دي موند كلونير للفاسون دغري le plus complet, le plus parfait soit accordé à notre maître Muhammad صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc, avec la bonne attention, la personne a les récompenses du fait d'assister à une assemblée de sciences de la religion. Donc on avait parlé la dernière fois de l'interprétation de certains versets du Coran, et que dans tous les cas on ne peut pas donner des sens aux versets, donc on ne peut pas leur donner des sens qui n'est pas digne de Dieu, qui contredit la raison, car tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison, parce que la raison est une preuve dans la religion, bien évidemment. Et avec la raison, on a vu qu'on peut montrer, prouver la véracité de l'islam, que c'est la religion de vérité. Donc on avait vu, notamment sur la ayah, « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » Ça veut dire « Allah, il sait tout de vous, où que vous soyez ». Donc « ma'a » ici, ça a des sens. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec vous, c'est-à-dire par lui-même. Mais il sait tout de vous. C'est ça que ça veut dire « ma'akum ». Donc ça, c'est parmi les explications des ayats du Coran. Et donc, de toute façon, la règle donc, a été vue qu'il y a des ayats explicites qui sont la base du livre, comme la parole « Laïsa kamithlihi shay » qui veut dire « rien est tel que lui », c'est-à-dire qu'il n'a pas d'équivalent. Il y a des ayats non explicites qui nécessitent une interprétation conforme aux autres ayats et conforme à la langue arabe. Donc parmi ces ayats, c'est celle qu'on a vue en fait. Donc wa huwa ma'akum aynama kuntum, ça veut dire Allah il sait tout de vous. Et la ayah inna Allah ma'al ladhina taqaw, ça veut dire Dieu donne la victoire. Ma'a ici c'est donner la victoire en fait aux croyants vertueux. Il leur donne la victoire, il les préserve. Et aussi donc dans des hadiths aussi, donc ça c'est dans les ayats, dans des hadiths aussi. Donc tout ce qui est donc tout sens qui n'est pas digne de Dieu, donc il est pas pris en compte, il est rejeté. Donc quand le prophète alayhi salatu wasalam dit donc des paroles, et quand ces paroles admettent plusieurs sens, on retient le sens qui est digne de Dieu. Et d'ailleurs, on va rappeler même un hadith très, très intéressant à connaître concernant ce sujet, qui est rapporté par Muslim et expliqué par lui-même An-Nawawi. Ce hadith, il est cité que Allah Ta'ala dit « Marithu ibn Adam falam ta'udni »« Qala kayfa wa a'uduka wa anta rabbul alamin » قال أما علمت أنه مرض عبدي فلان فلم تعده. Donc ce hadith là, le prophète il dit que Allah Ta'ala dit Maridhu ibn Adam. Et dans la suite du hadith, il expliquait Maridhu, ça veut dire mon esclave est tombé malade. Ça veut dire ici c'est aussi parce que Maridhu littéralement ça veut dire mutamo, ça veut dire je suis tombé malade. Donc les gens qui vont dire on n'explique pas du tout, on prend toujours le premier sens, donc ça donnerait une aberration. On ne peut pas dire que Dieu est tombé malade. Pourtant, il dit Maridtu ibn Adam. C'est Allah Ta'ala dit dans le hadith Maridtu ibn Adam. Et après, c'est expliqué Maridtu, ici ça veut dire Marida Abdi, c'est-à-dire mon esclave est tombé malade. Ça veut dire Nao, il explique ici que Allah a attribué donc le verbe à lui-même, mais ce qui est visé, c'est l'esclave, pour montrer que c'est un esclave honoré. Donc c'est une figure de style pour montrer que l'esclave il est honoré, que cet esclave vertueux tombe malade et que le fait de le visiter, on a une récompense. Tout ça, c'est expliqué dans le même hadith en fait. C'est expliqué Maritu, après ça veut dire quoi Maritu? Ça veut dire mon esclave tombé malade. Ça veut dire que ce hadith nous montre qu'il y a le sens figuré. Parce que dans le hadith lui-même, il est cité un sens figuré et dans le hadith, il est expliqué ce sens figuré. En fait. Ça veut dire que ce n'est même pas les savants qui ont expliqué, c'est dans le hadith lui-même, c'est expliqué, ça veut dire quoi? La première partie du hadith. Dans la deuxième partie, c'est expliqué, ça veut dire quoi? Et c'est répété donc trois fois en fait dans cette figure de style dans le hadith. Donc ça, c'est rapporté par Muslim et il y a l'explication de Nawawi, commentaire de qui fait le commentaire de Sahih Muslim. Il dit Maridhu, après il dit Maridha Abdi. Ça vient Maridha Abdi. Donc c'est important parce que ceux qui jouent sur les phrases, ils disent aux gens ah oui, c'est dit dans le Coran que Dieu est ceci ou cela, des phrases en français, on leur dit non. C'est vous qui avez, ou ce que vous avez lu, qui ont fait une erreur d'interprétation. On leur dit, alors vous dites quoi dans ce hadith-là? Vous ne pouvez pas dire Dieu est tombé malade. Pourtant, dans le hadith, il dit littéralement Maridhu ibn Adam. Maridhu, en arabe, mot à mot, ça veut dire je suis tombé malade. Et après, c'est expliqué, ça veut dire mon esclave est tombé malade. C'est ça que ça veut dire. C'est une figure de style en fait dans la langue. Comme par exemple, on pourrait donner un exemple pour aider à la compréhension, le fait de dire le roi il a construit telle ville. L'acte, le verbe il est attribué au roi, mais réellement c'est pas le roi. C'est-à-dire les gens, sous l'ordre du roi, ils ont fait cette ville. Sous le commandement du roi, ou sous le... Voilà. Et là aussi, là c'est le verbe, il est attribué à Dieu dans la première partie du hadith, et c'est expliqué dans la deuxième partie. Donc ça, c'est important aussi de savoir qu'à l'époque du prophète, les compagnons, ils comprenaient parfaitement l'arabe. C'était pas des débutants en langue arabe. Ils comprenaient toutes les figures de style, etc. Comme maintenant des gens, ou un peu avant, on va dire, ceux qui maîtrisaient bien la langue française, ben, ils comprenaient toutes les figures de style, etc. Alors quelqu'un qui connaît pas très bien, il va pas comprendre un langage très soutenu. Et ben eux, ils comprenaient tout ça. comprenaient parfaitement. Donc pour eux, comme quelqu'un maîtrise le français, si tu parles un langage soutenu, pour lui c'est normal. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, bah non, il faut lui expliquer, décortiquer. Et bah, il ne faut pas oublier que les gens d'avant, ce n'étaient pas des gens débutants, c'était des gens qui ont maîtrisé naturellement la langue arabe. Donc comprenait toutes ces figures de signes. Comme les gens maintenant, ils ont des expressions, entre eux, ils comprennent. Il y a un coup de main, il a posé un lapin, ou je sais pas, il y a d'autres expressions. Quelqu'un qui vient dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, mais les gens qui connaissent, ils vont savoir. Donc fais attention de ne pas tomber dans le piège de ceux qui, voilà, les livres qu'on trouve vraiment beaucoup, soi-disant traductions du Coran, il y a mauvaises explications du mot à mot, donc ça induit les gens en erreur après. Donc est-ce que c'est clair? Donc on a dit, bien sûr, on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas attribué par le contact ni les séparations ni d'être à l'intérieur ou à l'extérieur. Il n'est pas concerné par ça. Donc attribuer à Dieu le corps, tout ce qui est attribué des créatures et de la mécréance. Donc, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, il a dit quoi? Donc, il a dit, « وَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ بِمَعْنَ مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ » Celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, c'est redevenu mécréant. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith rapporté par Abu al-Qasim al-Ansari, « La fikrata fi rab » La fikrata fi rab. C'est-à-dire, on n'imagine pas le Créateur. Donc on ne peut pas l'imaginer parce qu'on n'imagine que des créatures. On peut imaginer que des créatures. Donc on ne peut pas atteindre aussi la réalité de Dieu. Donc ça c'est à retenir, il n'y a que Dieu qui sait sa réalité. Allah Ta'ala dit وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. C'est-à-dire les créatures ne peuvent pas cerner la réalité de Dieu. Donc on ne peut pas cerner la réalité de Dieu. Et que Dieu qui sait sa réalité. Donc on sait, on connaît Dieu par ses attributs, par les attributs dignes de lui, et en l'exemptant de ce qui n'est pas digne de lui. Donc en l'exemptant, en lui attribuant pas ce qui n'est pas digne de lui. Donc, on avait rappelé aussi, il faut faire attention, donc il y a celui qui attribue à Dieu la ressemblance aux créatures, il est mécréant selon tous les savants. Parce qu'en fait, il n'adore pas Dieu. Donc, il n'adore pas Dieu parce que il adore quelque chose qu'il s'est imaginé. Donc, faire attention de gens, il y a des gens, certains gens égarés, ils disent d'abord une chose vraie, ils disent Dieu ne ressemble pas à ses créatures, il n'a pas de ressemblance, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Mais ils disent, donc, celui qui croit le contraire, bon, il n'est pas mécréant. Donc ça, c'est vraiment stupide, bien sûr. Parce que celui qui n'a pas la vérité, on ne peut pas être... donc la réunion de deux choses opposées est impossible. On ne va pas être sur la vérité égaré en même temps. Donc celui qui n'a pas la croyance de vérité, c'est qu'il est égaré. Et on peut expliquer avec la, donc en raisonnant correctement le fait que celui qui fait ressembler Dieu à ses créatures, en fait, il adore pas Dieu parce qu'il adore quelque chose qu'il s'est imaginé. Parce que le créateur, donc par définition, il ne ressemble pas aux créatures. Donc il s'imagine quelque chose qu'il a appelé créateur, donc il adore pas Dieu, donc il est mécréant. Donc il ne faut pas tomber dans, dans le piège de ceux qui disent « Ah, il y a divergence !» Donc celui qui... certains, il y a divergence. Donc sur ça, il n'y a pas de divergence, bien évidemment. Celui qui diverge, c'est qu'il est mécréant. Il n'y a pas de divergence sur le fait que celui qui attribue à Dieu la ressemblance aux créatures, il est mécréant. Parce qu'il n'adore pas Dieu, en fait. Il adore quelque chose qu'il s'est imaginé. Comme ceux qui adorent les statues, ils sont imaginés, une statue, ils l'ont fabriquée. Lui, il s'est imaginé, mais il ne l'a pas fabriqué, mais il adore ce qu'il s'est imaginé. S'imaginer quelque chose qui a une forme, une quantité, etc. Il l'adore. Donc, il n'adore pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas de forme, de couleur, de quantité. Donc, il est mécréant. Donc, il n'y a pas... Toute parole contraire, elle n'est pas prise en compte. Même s'il y a des livres, même un million de livres, s'il y a un million de livres imprimés, c'est marqué 2 plus 2 est égal à 10. Même si c'est un million qui sont imprimés... Ça ne change pas que 2 plus 2, c'est pas égal à 10. Donc, parce qu'il y en a, ils ne raisonnent pas, ils disent « Ah oui, il y a une divergence, ils ne raisonnent pas, il y a dans tel livre ou tel savant. » Tout ça, c'est à vérifier la chaîne de transmission. Mais avant de regarder tout ça, quand c'est contraire à la raison, c'est sûr, on ne va pas plus loin, c'est faux. Comme l'exemple qu'on a donné. Deux, on va dire la moitié de 2, c'est quoi? C'est 1. Si quelqu'un dit le contraire, il dit ah oui, mais il y a plein de livres qui disent ça, il y a vraiment beaucoup de gens connus qui disent ça. Quelqu'un qui va accepter cet argumentaire, c'est qu'il est vraiment il est pas intelligent. Toute personne va dire bah non, 2, c'est 2, c'est 1, il n'y a pas à regarder les livres. Ben là, c'est pareil. Celui qui attribue à Dieu la ressemblance aux créatures, ben c'est contraire à la raison. C'est contraire à la raison, donc c'est impossible selon la raison que Dieu ressemble aux créatures. Donc, quand c'est impossible, donc il n'y a pas regarder qui dit le contraire. Comme c'est impossible que on va dire que la moitié de 2 c'est égal à autre que 1, c'est impossible. Donc il n'y a pas une autre solution. Obligatoirement, la moitié de 2 c'est 1. Donc on va, si quelque chose qui est contraire à cela, comme c'est contraire à la raison, on peut pas, on s'est refuté directement, il n'y a pas à regarder qui l'a dit. Donc ça c'est pareil. Donc, faire attention à cela. Parce qu'il y a des gens, certes, on sait, on a montré les répliques contre ceux qui assignent Dieu à ses créatures, les wahhabites, et ceux qui les suivent. Et maintenant aussi, il y a des gens, ils sont très dangereux aussi, c'est qu'ils disent, oui, les wahhabites, donc c'est faux, leur croyance, ils disent comme ça, on va dire, ils disent c'est faux. Mais on dit, bon, on ne déclare pas mécréants. Bien sûr, celui qui déclare pas mécréant, il est mécréant, c'est sûr. Donc déclarer mécréant, ça ne veut pas dire forcément crier mécréant, c'est ça veut dire que croire que celui qui fait ressembler Dieu à ses créatures est un mécréant. C'est ça que ça veut dire déclarer mécréant. Donc il ne faut pas tomber de gens dans le piège de ceux qui jouent sur les mots, sur les significations, etc. Ou comme ceux qui vont dire « Ah, mais tu sais pas comment il va changer. » Donc, ça, c'est un autre sujet, en fait. Ils mélangent les sujets. Parler de l'avenir, c'est une chose. Parler du jugement d'une personne, c'est deux choses différentes, complètement. Quand on est celui qui fait ressembler Dieu à ses créatures, c'est un mécréant. On parle pas de l'avenir, là. On parle d'un jugement. comment il va changer, ça n'a rien à voir avec l'explication du jugement. Donc on ne mélange pas. Peut-être il va se convertir des minutes avant de mourir. Alors, ah, il y a des gens, plein de gens, même de nos jours, ils sont témoignés sur l'île de la mort. Donc c'est des sujets différents. Donc il y en a, ils jouent sur ça, et les gens qui ne réfléchissent pas assez, ils tombent dans le piège. Ah oui, Allah, Allah. Là, un sujet, on parle de l'avenir, c'est un sujet à part complètement, et le jugement, quand il a volé, c'est du vol, mais peut-être il va devenir un bon musulman. D'accord ? Donc Khaled, il était mécréant, il était contre le prophète, dans la bataille de Uhud. On dit qu'il a fait, il a fait l'acte qui est mal. Wahshi aussi, qui a tué Hamza. Après, un temps après, ben, ils sont devenus des musulmans. Là, c'est mauvais. Là, c'est bien d'être musulman. Khaled, c'est devenu un saint même. Donc là, c'est mauvais, c'est sûr. Et là, c'est bon. Donc, jugement des faits, c'est une chose. Et parler de l'avenir, c'est une chose. C'est une autre chose. Il n'y a que Dieu qui sait l'avenir. Donc, voilà, donc il faut pas. Il y a des gens, ils sont bêtes, ou ils font exprès. Dans tous les cas, c'est bête et stupide. Des fois, eux-mêmes, ils savent pas qu'ils sont égarés, ou des fois, ils savent, ils veulent égarer les gens en jouant sur. Mélangeant les sujets. Mélangeant les sujets, donc, d'accord. Donc, c'est logique, si on réfléchit, c'est clair. Donc c'est un sujet important pour voilà, ne pas tomber dans le piège des gens qui se disent sunnites en fait, mais en réalité ils sont égarés. Donc c'est logique que c'est de la mécréance. Hein. Celui qui dit ça, il est mécréant. Donc voilà, donc. Donc Allah Ta'ala a révélé une ayah répliquant aux mécréants des fils d'Israël qu'ils ont dit que Dieu a créé les cieux et puis il s'est reposé. Et Allah a révélé la ayah dans Sourate Qaf dans ayah 37 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. Donc ça veut dire que Allah dit ce qui signifie nous avons créé les cieux et la terre dans six jours, et donc les cieux et la terre ce qui est entre eux, dans six jours nous n'avons pas été atteints de fatigue. Ici c'est pour glorifier Dieu. Donc nous c'est pour glorifier Dieu en fait. En sachant que Dieu, il est unique, bien sûr, qu'il n'a pas d'associé. Donc, Dieu a créé, nous apprend qu'il a créé les cieux de la terre dans ses jours, il n'a pas été atteint de fatigue. Bien sûr, Dieu est capable de créer tout l'univers qui contient, tout ce qu'il contient comme créature maintenant, actuellement, en un instant. On peut l'anéantir en un instant. Mais Dieu, donc les savants, ils ont dit la sagesse, c'est que pour nous montrer de faire les choses par étapes, de ne pas se hâter sans raison. Et c'est dit dans le hadith. C'est dit Al-Hujalatu min al-Shaytan wa ta'anni min al-Rahman. C'est-à-dire, le fait de faire se hâter, se précipiter sans raison fait partie des pratiques du Shaytan. C'est des mauvaises pratiques en fait. Que le Shaytan apprécie, on va dire. Mais de se faire les choses doucement, par étapes, c'est quelque chose que Dieu agrée. C'est le sens du hadith. Ça veut dire, ici, ça veut dire, bien sûr, ça parle des choses où il n'y a pas une cité à se hâter, bien sûr. C'est logique, là aussi, c'est une explication. C'est pas que un musulman devant toi, il va se noyer, tu vas faire doucement. On parle pas de ça. Ça veut dire les choses où il n'y a pas besoin de se hâter, par exemple le bien matériel. Tu ne vas pas courir matin et soir derrière l'argent alors que tu as la suffisance. Donc tu fais doucement. Mais pour l'au-delà, tu fais et tu te hâtes. Les savants, ils ont dit une belle parole, ils ont dit اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Ils ont dit fais pour ton bas monde comme si tu vivais tout le temps et pour l'au-delà comme si tu mourrais demain. C'est-à-dire le bas monde, tu as des projets doucement, il ne faut pas hâter. Parce que même si tu n'as pas fait tes projets, tu ne vas pas rendre des comptes dessus si tu n'as pas eu une grosse entreprise ou une grosse maison. Voilà. Mais pour l'au-delà, tu t'hâtes. Tout ce que tu peux faire comme bien, tu le fais. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Alors que le bien matériel, même si tu as raté, bon, ça ne va pas être utile dans l'au-delà. Donc tu fais comme tu as le temps. Petit à petit. C'est pas du dire, ah non, quand je serai bien installé, je vais pratiquer comme beaucoup, pas longtemps, les gens d'entendant, personnes âgées, disent, ah quand j'aurai la retraite, je vais commencer à prier. Donc là, c'est l'inverse de la règle en fait. C'est l'inverse de la règle. Donc c'est ça que ça veut dire que faire les choses par étapes, doucement, c'est bien. Pour les choses où il n'y a pas une nécessité. Mais s'il y a, il faut se hâter, par exemple, quelqu'un il veut se convertir, on ne dit pas attends, c'est tout de suite. On n'a pas le droit de retarder quelqu'un qui veut se convertir. S'il faut pratiquer la prière, tout de suite, etc. Donc Dieu nous apprend qu'il a créé pour répliquer aux mécréants et qu'il n'a pas été atteint de fatigue parce que celui qui se fatigue, c'est une créature. De toute façon, la fatigue, c'est créé par Dieu. Déjà, les anges sont créés, c'est des créatures, ils ne se fatiguent pas, ils dorment pas. Alors, c'est des créatures. C'est-à-dire, l'état, parce qu'on a vu, Dieu a créé le monde, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, Dieu a créé le monde en deux sortes. Les créatures et les caractéristiques. T'es fatigué, la faim, la soif, la tristesse, la maladie, la vie, la mort. Alladhi khalaq al-mawt wal-hayat. Tout est créé par Dieu. Donc la fatigue, c'est créé par Dieu. Les anges, ils ne fatiguent pas. Donc, Jibril, c'est des milliers d'années qu'ils vont, et c'est pas fatigué, ils ne dorment pas. Parce que c'est la fatigue, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, Dieu n'a pas créé pour les anges la fatigue. Donc, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas. Donc, si des créatures ne se fatiguent pas, que dire du Créateur? Donc, Dieu a répliqué aux mécréants. Donc ces mécréants-là, c'est comme les mécréants de ceux qui assimilent Dieu à ces créatures. Ils sont en commun, c'est leur point en commun, c'est d'assimiler Dieu à ces créatures. Donc les assimilateurs, ils ont c'est les frères des mécréants, des fils de Israël, même s'ils pensent qu'ils sont qu'ils croient en l'unicité de Dieu, etc. Ils sont frères dans la croyance. Donc, Allah est exempt de changement, de l'humeur, de la fatigue, de la colère, tout ce qui est des attributs des créatures, et tout ce qui est toutes les humeurs du changement. Donc, entre guillemets aussi, donc, dans ces 6 jours-là qui ont été cités, il y a donc la terre a été créée le dimanche et le lundi. Et chaque jour, il valait 1000 ans de ce que l'on compte. Chaque jour de ces 6, il valait 1000 ans de ce que l'on compte. La terre, le premier jour en fait des 6 jours, c'est le dimanche. Al-Ahad, c'est pour ça. En arabe, c'est Ahad. Ithnain, c'est Ithnain, c'est le deuxième. Ça vient de deux. Ensuite, ont été créés les cieux dans les deux jours suivants, qui sont Thulatha ou Arbi'a. Thulatha, mardi et mercredi. Ensuite, ont été créés les animaux et les arbres donc Al-Khamis, Al-Jum'a, Al-Khamis c'est donc jeudi et vendredi. Et Adam était créé le jour du vendredi. La fin du jour du vendredi. Donc toutes les ce dont ont besoin les humains ont été créés avant les avant Adam. Donc la terre, il y a sept terres, il y a sept terres, et la terre, donc elle ressemble, donc les, elle est arrondie en fait la terre, mais elle est grande, la terre elle est grande. Donc il y a sept terres bien sûr, et celle-là c'est la septième. Sept terres, ça veut dire, donc il y a les humains qui vivent sur la septième. Donc les humains ils vivent sur la septième, mais pas en bas d'elle, bien sûr. Sur la terre, et pas en bas de la terre. Et l'autre terre est séparée d'elle. Il n'y a pas d'humains et des autres, ainsi de suite, sept. Donc il y a des humains que sur la première. Et il y a sept terres, sept cieux, séparés les uns des autres. Donc, Dieu a créé donc toutes ces créatures, ben, il n'a pas besoin de ces créatures-là. Il n'a pas besoin de ces créatures. Donc est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc Allah Ta'ala dit Inna Allah huwa as-sami'u al-basir. C'est-à-dire Allah il est celui qui entend et qui voit. Donc il voit par sa vue éternelle sans organes et il entend par son vue éternelle sans organes. Donc Dieu l'entend, donc sans onde, sans voilà, sans voix, sans et il voit sans distance, sans lumière, il voit tout sans organes, pas comme ça, comme voit les créatures. Donc Dieu il est sans organe. Bien sûr que ce qui était cité Aïn Yad au-dessus de Dieu ne veut pas dire l'œil ou la main, mais c'est un sens digne de Dieu selon le contexte. Yad c'est employé dans le sens de la puissance, Qudra, et donc Aïn c'est employé dans le sens de la préservation. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, en fait, là, les mots Yad Da'in, on peut employer, parce que c'est dans le Coran, mais en gardant les termes révélés. Parce que le terme révélé, comme on l'a dit l'autre fois, c'est Aïn ou Yad. Mais pas main ou yeux, ça n'a pas été révélé. Donc, ça a été révélé, mais avec un sens conforme à la raison, bien évidemment. Parce que le Coran ne contredit pas la raison. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, une autre ayah aussi. Donc, on va récapituler en fait ce qu'on a dit. Que tout ce qui est dans le Coran ne contredit pas la raison. Donc, les textes, les savants les expliquent selon ce qui est conforme à la langue arabe et ce qui est digne de Dieu, donc conforme à la raison. Faire ascendre Dieu à ses créatures, c'est contraire à la raison. C'est de la mécréance. Et il n'y a pas de divergence que celui qui fait ascendre Dieu à ses créatures n'ait pas connu Dieu, il n'adore pas Dieu, donc il est mécréant. Donc il n'est pas musulman. Donc c'est les règles de la religion. D'accord ? Donc la religion, c'est pas par les passions, il y a des règles à suivre. Donc c'est facile à comprendre. Vous voyez, c'est la religion, elle est facile. Donc il y a des règles précises. Bien sûr, ça nécessite de réviser, comme on a vu. Donc on a vu que Dieu a créé les cieux et la terre, ce qu'il y a entre eux, dans ces jours, pour nous enseigner de faire les choses par étapes. Et chaque jour, ça vaut 1000 ans de se prendre en compte. Et Adam a été créé le jour du vendredi, qui est le meilleur jour de la semaine. Il était créé directement grand, et il avait une belle apparence, comme tous les prophètes, et Dieu lui a donné les connaissances de base, et le nom des choses. Donc Dieu, rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc il y a le mot wajah aussi, par exemple le mot wajah, il a le son, plusieurs sens. Donc il est cité dans le Coran, tantôt ça vise la qibla agréée par Dieu, ça vise l'agrément de Dieu, ça vise la souveraineté, comme il a dit le Bukhari dans son sahih. Donc c'est comme ça en langue arabe. En langue arabe, c'est riche. Ça ne veut pas dire le visage, donc comme disent dans beaucoup de livres mal traduits. Donc comme on dit, j'ai fait ça pour le wajh illah, c'est-à-dire par recherche de l'agrément de Dieu. Donc voilà. Donc pour finir, on va poser quelques questions, un peu pour voir ce qui a été retenu. Donc c'est des questions qu'on a déjà posées, donc c'est important de les revoir. Donc le jugement selon la raison se divise en combien ? Qui peut nous répondre ? En 3. Alors, qui peut nous citer ? Les trois jugements selon la raison. Ce qui est possible selon la raison, ce qui est impossible et ce qui est obligatoire. Voilà, très bien. Donc, il y a combien de sortes de créatures ? Deux. C'est quoi ? Substance et les caractéristiques. Voilà, très bien. Donc substance et les caractéristiques, c'est-à-dire les corps et les caractéristiques des corps. Donc Allah Ta'ala dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, c'est-à-dire Allah vous a créé et ce que vous faites. Donc Dieu a créé le monde en les corps et les caractéristiques des corps. Donc ça, c'est à retenir globalement. C'est important parce que ça, on a besoin. Tout le temps, il faut être prêt à discuter. Si on est amené à discuter, on pose des questions, on est tout seul dans un entre des gens, connaître ces bases-là, c'est important pour défendre la religion. Pour montrer que l'islam est la seule vraie religion conforme à la raison, tu as besoin de connaître ces détails-là. La raison, c'est quoi, etc. Le jugement selon la raison. L'autre fois, on avait cité même un sujet très important, parce qu'il y a des gens aussi qui vont dire, on a dit, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. Donc là, on avait répété, parce qu'il y a des gens qui disent des bêtises, donc c'est facile à répondre. Hein. On a dit, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. C'est important à retenir. Ne concerne pas l'impossible ni l'obligatoire, parce que l'impossible n'admet pas l'existence, donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Et l'obligatoire n'admet pas le néant, donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc c'est important, si un égaré, il vous dit des bêtises, certains mécréants, ils vont dire Dieu est capable de créer un autre Dieu, ou de s'anéantir, ou d'être une mouche, une statue, une vache, ou des choses comme ça. Tout ça, c'est de la stupidité. Donc on leur dit, il faut dire, montrer déjà que c'est impossible, la localisation, la quantité, le corps, l'anéantissement, c'est impossible. Selon Dieu, c'est, la raison ne l'accepte pas. Quand c'est impossible, selon la raison, n'admet pas l'existence, donc elle n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. C'est absurde. C'est pas vrai qu'il soit concerné, parce que s'il était concerné, il serait pas impossible. Il serait pas impossible. Or, c'est impossible, et on peut pas inverser la réalité de l'impossible. Impossible. Ça, c'est l'absurde. Donc, voilà. Donc, on peut pas changer la réalité du chose. On peut pas dire, toi, t'existes pas, alors que t'existes. C'est l'absurde. Il y en a, c'est des mécréances, ils disent, ah, le monde n'existe pas, c'est imaginaire. Mais ça, c'est de la mécréance aussi. Parce que le Coran confirme l'existence du monde. Donc les savants, ils ont dit, rien que dans la Fatiha, Allah dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le monde, tu es le créateur du monde, des mondes. C'est-à-dire, dans cette aïe, Dieu confirme que lui, il existe, que le monde existe. Donc, ni l'existence du monde, c'est de la mécréance. Donc, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible, selon raison. Ne concerne pas l'obligatoire ni l'impossible. Donc, il y a des égarés, même ils se prétendent musulmans, carrément. Je dis, Dieu est puissant, il peut être quelque part. Tu dis, si tu raisonnes comme ça, celui qui adore la vache, il va te dire, Dieu est puissant, il peut être une vache. Donc, c'est la même stupidité. Donc, on va dire, le fait d'être une vache, c'est un corps, ou le fait d'être quelque part, c'est un corps, qu'il soit immense, ou la taille d'une vache, ou la taille du ciel, plus grand que le ciel, aussi grand que le trône, qui est très immense, ça reste une quantité, un corps. C'est une créature. Selon la raison, un corps ne peut pas être le créateur. Donc, c'est impossible selon la raison, l'existence de. Enfin, que le corps soit. Créateur. La puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible. C'est stupide. Parce que si l'impossible était concerné par la puissance de Dieu, il ne serait pas impossible. Or, l'impossible est impossible. Donc, vous voyez, donc ça, c'est important de raisonner, de comprendre bien le raisonnement. C'est ça le vrai djihad, c'est de connaître les règles de la religion, de les transmettre. Donc vous voyez, et ça c'est une cause de la guider des gens. Donc on voit pendant l'Indonésie, beaucoup de pays où les musulmans sont venus, comme l'Indonésie, ils sont venus commerçants, mais qui n'arrêtaient pas de parler de l'islam. Parler de l'islam en même temps qu'ils travaillaient. Ce qui fait qu'ils ont converti beaucoup de gens. Parce qu'ils avaient la connaissance de la religion. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, voilà, c'est vrai qu'on les répète jusqu'à ce que la personne mémorise. Une sorte de révision, en fait. Pour. Elle se protège elle-même et elle peut expliquer aux autres. On est amené, surtout dans notre époque, à parler, à défendre la religion devant des gens ignorants, qu'il y en a beaucoup. Ça fait parmi les signes de la fin du monde. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى امين اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا صحه وشفاء وكل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا